المنهج. Devoir numéro 1. Exercice phonétique numéro 4. 1. Terir. 2. Mutakhassis. 3. Mumarrida. 4. Ahlan. 5. Mutasharrif. 6. Jawab. 7. Katib. 8. Rassam. 9. Ab. 10. معلم.